Jacques Langlois, bonsoir. Philippe Gerbi, bonsoir. Alors, depuis quelques années, le magazine Historia a eu l'excellente idée de proposer, en collaboration avec l'hebdomadaire Le Point, des hors-séries consacrées à la bande dessinée franco-belge et à ses rapports avec l'histoire, on s'en doute. Le format est un format de grande bande dessinée, précisément, grande visibilité. Alors, on trouve ces hors-séries dans toutes les gares, chez les marchands de journaux, pas chez les libraires. Si, chez les libraires aussi, absolument. Il faut vous dire une chose, c'est que quand on arrive dans un relais, mettons, dans les gares, on ne voit que ça. C'est une très bonne idée. Les couvertures, évidemment, c'est un personnage connu. Il y a eu 4 Tintins, il y en avait 3. Il y en a un qui vient de paraître il y a quelques semaines, Tintin et la mer. Et puis donc, le Black et Mortimer qui nous occupe. Vous faites un peu les gares comme ça, vous regardez, vous dites, tiens, c'est quelle bonne idée, c'est hors série. Absolument, on fait les gares. J'ai participé il y a 2 ans au lancement du premier Tintin à une petite campagne de sensibilisation d'un certain nombre de relais des gares parisiennes. Et c'était très amusant de voir comment le projet est accueilli et comment ils le mettent en place. C'est toujours très intéressant et après on va voir le résultat. Et moi-même, en tant que modeste auteur de ces ouvrages, j'aime bien, quand la date de parution est passée, aller voir un peu ce que ça donne. Et je ralote auprès des spécialistes et des professionnels chez Historia quand je l'ai pas vu. C'est vrai que les hors-séries, c'est souvent sur des grands peintres en liaison avec des expositions parisiennes ou en région, ou alors des hors-séries sur l'argent, des hors-séries sur je ne sais quoi. Et c'est quand même plus des couleurs qui nous excitent plus l'œil. Hein, Tintin. On n'est pas dans les marronniers, là. Non. Donc les deux premiers, Jacques Langlois, donc vous êtes le conseiller éditorial de ces hors-séries. Donc les deux premiers, c'était 2 Tintins. Au début, vous en faisiez un, vous ne pensiez pas que ça se trouve que ça allait marcher. C'était un test, hein. Ouais. C'était une idée qu'on a vue en commun avec Philippe Clerget, qui était le patron du groupe, et on s'était dit, commencer par Tintin, parce que, entre guillemets, c'est plus facile, quoi, c'est sûr. Et on va voir ce que ça donne. Et je veux dire que le succès du premier était tout à fait étonnant, puisqu'on a tangenté les 300 000 exemplaires, ce qui était un résultat tout à fait exceptionnel. En 2011. C'était les personnages de Tintin dans l'histoire, oui. En 2 volumes. Oui. Et puis il y a eu, en début d'année, Tintin et les forces obscures, alors rêve, voyance, hypnose, radiesthésie, télépathie, extraterrestre, superstition, et puis le tout dernier, qui est paru il y a quelques semaines, Tintin et la mer. Alors pour Black et Mortimer, est-ce que vous êtes certain qu'un seul tome, un tome unique, suffira? Alors oui et non, parce que on a évidemment, je crois, assez bien retracé l'histoire des albums et des aventures de Black et Mortimer par Jacobs. En revanche, on a survolé la suite, puisque suite il y a, comme souvent en bande dessinée. Et en tout cas, à la différence de Tintin, il y a une suite, il y a de nouveau Black et Mortimer, il y en a un qui sort ces jours-ci, en décembre. Voilà, Yves Sorte nous en a parlé en début de nuit. Le bâton de Plutarque. Et donc, on a été beaucoup plus léger, on a même fait l'impasse, en fait, à part un petit chapitre final, sur ces suites. Donc là, c'est plutôt Jacobs. S'il le faut, si on le souhaite, on verra. Rien n'est décidé pour l'instant. Vous, Jacques Langlois, vous êtes le conseiller éditorial. Et puis, alors, vous êtes présenté très succinctement dans L'Ours comme ceci, a connu Hergé, Bob Demore et Chang. Oui. Alors, racontez-nous un petit peu. Chronologiquement, c'est d'abord Hergé, effectivement. On ne s'éloigne pas de Black et Mortimer, là, je précise. Oh non, dans de toute façon, dès qu'on parle d'Hergé, on n'est pas loin de Jacob, c'est réciproquement. Voilà. Alors Non, j'ai connu Hergé parce qu'il se trouve que lorsque j'avais 10 ans, ce qui remontait à un peu plus de 50 ans maintenant, j'avais un petit talent de dessinateur, de dessin d'imitation, qui n'avait pas échappé à mon père, qui n'aimait pas beaucoup ce genre de lecture qu'on appelait les illustrés à l'époque, mais qui m'avait quand même conseillé, à ma grande surprise, d'écrire à ce certain Hergé, puisqu'il avait vu que je dessinais des petits Tintins et des petits Milou un peu partout dans les marches de mes cahiers d'écolier. Et c'est ce que nous avons fait à l'époque. Je dis nous, parce qu'il m'a beaucoup aidé, évidemment. D'abord, on a écrit chez Casterman, parce que je ne savais pas du tout où était ce Hergé. Je ne savais même pas qu'il était belge. Donc, on est passé par son éditeur parisien, rue Bonaparte, à l'époque. Et puis, quelques semaines après mon envoi, j'ai reçu ce qui a surtout été mon premier courrier personnel, à l'adresse qui était celle de mes parents, évidemment, un petit message en retour sur un charmant Bristol avec un Tintin et Milou en relief et aussi un Tintin et Milou à la plume d'Hergé et quelques lignes manuscrites qui me remerciaient. Et ça a été, à ma grande surprise, le début d'une correspondance qui a duré jusqu'à sa mort. Et d'une amitié, puisqu'on peut l'appeler comme ça, de fait de rencontre, et puis aussi de cette correspondance qui a duré plus de 20 ans. Alors que lui disiez-vous à Hergé? Bah, souvent, au fur et à mesure que l'âge me permettait de prendre un peu d'assurance, enfin me permettait, c'est ce que je croyais en tout cas, je lui faisais des reproches, puisque bien sûr c'était pas une époque de grande production. Les années 70, c'était plutôt le grand ralentissement dans l'œuvre d'Hergé. Et puis je lui faisais des reproches sur certaines facilités qu'il s'accordait de redessiner certains albums, de s'éloigner de la version originale. Bon, puis aussi je lui faisais des compliments parce que j'étais un garçon poli et honnête, parce que j'avais une sincère admiration pour lui. Oui, puis vous souhaitiez des réponses, c'est pas seulement. Et je souhaitais des réponses que je recevais d'ailleurs. Alors parfois sur un ton un peu courroucé, ça lui est arrivé quand même de dire que je lui cassais un peu les pieds, quoi. Mais toujours très gentiment, avec beaucoup de... Vraiment, comme Hergé avait une façon de traiter ce genre d'amitié, comme si on était vraiment des gens importants, alors que j'étais jamais qu'un sale gamin. Vous l'avez rencontré donc où en Je l'ai France, rencontré plusieurs fois à Bruxelles, à Paris et à Angoulême. Et j'ai notamment passé une matinée entière au studio Hergé, avenue Louise, à Bruxelles. Il y a mon Dieu fort longtemps, c'était en juillet 72. Et puis Bob Demore? Bah Bob Demore faisait partie évidemment des collaborateurs d'Hergé jusqu'à la fin. Et je l'ai surtout rencontré dans les manifestations où il représentait Hergé quand Hergé est tombé malade à partir des 79-80. Il ne s'est plus beaucoup montré. Et souvent, avec son secrétaire particulier de l'époque, Alain Baran, Bob Demore accompagnait. Et je l'ai rencontré plusieurs fois à ce moment-là. Puis après la mort d'Hergé dans des assemblées de tintinophiles. Et puis aussi, quand il a réalisé le deuxième volume des trois formules du professeur Satow, en lieu et place de Jacobs, qui lui avait délégué ses pouvoirs, et puis qui était mort entre-temps d'ailleurs. Alors Bob Demore, on l'entendra non pas cette nuit, Jacques Langlois, mais dans une semaine, dans la deuxième nuit spéciale Black et Mortimer. Il était au micro de Jean Lebrun, c'était en 1990, et il venait parler justement de la parution du deuxième tome, enfin après quoi, 13 ans, 15 ans d'attente. Plus que ça, parce que si vous voulez, la première partie est parue en 71 dans le journal Tintin, en 71, et l'album, le premier album, en 77. Donc effectivement, vous avez raison, ça faisait 20 ans qu'on attendait la suite. Voilà. Et puis Bob Demore donc l'avait dessiné à partir du scénario. Ah oui, très fidèlement. Voilà, très fidèlement. Parce que non seulement Jacobs avait laissé un scénario très, très carré, mais aussi des crayonnés. Et puis alors Chang, puisque vous avez connu Hergé, Bob Demore et Chang. Vous avez dû connaître d'autres personnes, Jacques Langlois, oui, dans votre vie, sûr, mais en tout cas, Chang. Ah, Chang. Alors, Chang, ça, c'est une très jolie rencontre, parce que Chang, comme vous le savez, a passé les 13 dernières années de sa vie à Paris, en région parisienne, à Nogent-sur-Marne, à l'invitation de Régis Debray et de Jacques Lang. Il s'était installé à Paris à partir de 1985. Et je l'ai rencontré à cette époque-là et je suis devenu, comme je dis souvent, son chauffeur officiel, puisque chaque fois qu'il y avait une manifestation liée à Tintin, à Hergé, que ce soit à Paris, à Angoulême, à Bruxelles, je venais le chercher dans son petit pavillon de la Cité des Artistes Nogent et je l'emmenais là où on nous attendait. Et puis je l'ai souvent, on a souvent dîné ensemble, on a fait des choses ensemble. Absolument. Alors, dites aux quelques auditeurs qui ne sauraient pas qui... Chang, oui. Alors, Chang Zhongzhen a été un étudiant chinois qui, en 1934-1935, a aidé Hergé lorsqu'Hergé s'est lancé dans l'aventure chinoise du Lotus Bleu. Parce qu'à l'époque, il avait jusque-là fait des aventures extrêmement extravagantes et sans grand souci de réalisme. Et lorsqu'il a annoncé à ses lecteurs du Petit XXe qu'il allait envoyer Tintin en Chine, un brave abbé aumônier de Louvain a écrit à Hergé en disant « Attention, ne racontez pas n'importe quoi, j'ai des étudiants chinois ici qui peuvent vous aider à expliquer ce qu'est la Chine d'aujourd'hui. Ne tombez pas dans tous les clichés habituels des nids d'hirondelles, des pieds bandés, des longues nattes, etc. » Et donc Hergé a accepté cette proposition, et c'est ce fameux Chang, à l'époque étudiant aux Beaux-Arts de Bruxelles, qui s'est présenté un jour chez Hergé, un 1er mai 34, pour lui proposer de lui parler un peu de la Chine et lui apprendre aussi deux, trois techniques de dessin, ce qui ont bien servi Hergé. Et c'était le début d'une amitié étrange, puisque au bout d'un an, Chang est reparti, évidemment, à Shanghai, Et puis l'histoire, on a décidé autrement pour ce qui est des retrouvailles. Oui, les retrouvailles ont été très retardées. Oui. Alors l'histoire, c'est ce qui vous intéresse, Jacques Langlois, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, donc, puisque le hors-série Le Point Historia, les personnages de Blake et Mortimer dans l'histoire, sous-titré Les événements qui ont inspiré l'œuvre d'Edgar P. Jacobs, puisque ce hors-série vient de paraître. Alors, on ne va pas tout de suite quitter Hergé, en fait, puisque Hergé et Edgar P. Jacobs ont eu un début de collaboration, et vous le racontez, ils se sont appelés l'un et l'autre Olav. Oui, alors je ne sais pas du tout d'où vient ce pseudonyme qu'ils avaient imaginé tous les deux. Le contexte est assez connu, c'est-à-dire que, d'abord, ils s'étaient rencontrés en 1941, présentés l'un à l'autre par un ami commun qui était Jacques Van Melkebeck, un personnage un peu étonnant dont on pourra parler si vous le souhaitez. Et assez rapidement, Jacobs, qui avait abandonné sa carrière de chanteur lyrique pour se consacrer au dessin, a commencé à travailler avec Hergé, tout en ayant d'ailleurs une activité propre dans le journal Bravo. Il a notamment aidé Hergé à mettre en couleur le sceptre de Tokar et à travailler à des albums comme Les Sept Boules de Cristal, en lui apportant aussi beaucoup d'idées dans leur discussion avec Van Melkebeck aussi. Et puis arrive La Libération, qui est un grand bonheur pour tout le monde, mais qui pose un petit problème, en particulier à Hergé, puisqu'il a, pendant toute la durée de la guerre, été un collaborateur, sans jeu de mots, du journal Le Soir, et que le journal Le Soir était bien évidemment sous le contrôle de l'occupant, et dirigé par une rédaction qui n'était pas défavorable, loin de là, aux idées de l'occupant. Ce qui fait que tous ceux qui avaient participé à cette triste aventure se sont retrouvés interdits de publication dans la presse. En ce qui concerne Hergé, ça a duré 2 ans. Et donc en 1945, alors qu'il pouvait toujours terminer les albums des aventures qui avaient déjà été publiés, ce qu'il faisait d'ailleurs avec Jacobs, il fallait bien vivre et ils ont essayé tous les deux de lancer une nouvelle bande dessinée. Un récit de trappeur, une histoire policière qui se déroule à Shanghai et puis un western. C'est ça, c'est-à-dire qu'ils ont créé 3 synopsis et 3 premières planches dans 3 directions très différentes. Que vous reproduisez donc, que l'on reproduit dans ce hors-série. Et qui a été, semble-t-il, proposé, mais en tout cas sans grand succès, à la presse de l'époque. Alors, donc il faut dire un petit peu quel est le principe de ces hors-séries. Alors, vous dites que ça s'est vendu à 300 000 exemplaires, les Tintins, donc beaucoup de nos auditeurs connaissent le principe, mais d'autres peut-être non. Aventure par aventure, donc là, 1946, Le Secret d'Espadon, 1950, Le Mystère de la Grande Pyramide, 1953, La Marque Jaune, 1955, L'Énigme de l'Atlantide, 58, SOS Météor, 60, Le Piège Diabolique, 65, L'Affaire du Collier, et 71, Les Trois Formules du Professeur Sato, pour rester sur l'œuvre d'Edgar P. Jacobs. J'ai vaguement compris qu'il y aura sans peut-être un deuxième tome. Ah, j'ai rien dit là-dessus, non, parce que honnêtement, il y a un, je n'en sais rien, alors, et deux, rien n'est décidé à ma connaissance, en tout cas. J'ai mal compris, mais j'espère qu'il y aura aussi un autre tome avec les aventures suivantes de Blake et Mortimer, qui sont très belles, et qu'elles soient signées par l'un ou l'autre, voilà, des scénaristes et dessinateurs. Mais donc, mettons SOS Météor, puisque c'est ce qui nous intéresse au cours de ces deux nuits. C'est le feuilleton qui passait il y a quelques dizaines de minutes avant que vous interveniez, qui passera ensuite, dans la suite, arrivera après notre entretien, ce qui fait que les auditeurs bout d'impatience peut-être à l'idée d'entendre la suite. Mais non, vous écoutez avec plaisir. Donc le principe de ce feuilleton, puisque c'est on fait attendre les gens et puis on leur donne la suite, c'est aussi votre principe rédactionnel, parce que on parle du livre, de l'aventure, de SOS Météor, et puis ensuite une autorité, une sommité journalistique ou universitaire, voilà. Mais en parallèle, ce qui a pu inspirer Edgar P. Jacobs, ou ce qui aurait pu l'inspirer, enfin ce qui l'a aidé en tout cas à être dans l'histoire réelle. Parce que là, on parle d'auteurs depuis le début de cet entretien, que ce soit Hergé ou Jacobs, qui sont connus par leur souci de documentation, par leur souci de vraisemblance. Même si leurs univers sont assez différents, c'est quand même une caractéristique qui me paraît d'ailleurs plus marquée et plus réelle que celle du dessin et de la ligne claire dont on parle toujours, parce que je suis pas sûr que Jacob soit si représentatif que ça de la ligne claire, mais bon, ceci est une parenthèse. Aux spécialistes d'en débattre, pas ce soir en tout cas. Mais effectivement, l'idée c'est que ces aventures ne sont pas nées comme ça ex abrupto, de l'imagination, d'un cerveau fertile, mais de quelqu'un qui s'est renseigné, qui a essayé de s'intéresser à un phénomène, à un problème particulier, et qui appelle à ce que l'on éclaire un peu l'arrière-fond de toutes tes histoires. Et donc, en ce qui concerne SOS Météor, tout naturellement, on s'est dirigé vers les problèmes de climatologie, qui en plus ont l'avantage d'être très actuels aussi. Mais alors, il faut se rappeler quand même tout le début de SOS Météor, n'est-ce pas ? C'est une épouvantable tempête permanente qui s'abat sur toute l'Europe et qui provoque des dévastations multiples, des inondations, des tempêtes de neige. On voit ce pauvre chauffeur de taxi, il a perdu dans le brouillard, dont la Simca va d'un seul coup plonger dans un étang. Dans la banlieue ouest. La banlieue ouest, absolument. Et après un périple minutieusement reconstitué par Jacobs lui-même, qui n'avait pas peur d'aller sur le terrain. Avec son calepin, son appareil photo. Oui, les deux, absolument. Pour voir si le château de Troussalet existe, sait-on jamais. Et oui, sait-on jamais. Alors donc, des articles sur la bande dessinée elle-même. Oui, un article principal sur un personnage dominant de l'album. Quand c'est possible, sur sa première apparition, sinon, en tout cas, quand il a un rôle important. Alors pour SOS Météor, c'est Miloc. Le savant fou. Des savants fous de la saga. Voilà. Alors, pour l'instant, les auditeurs du feuilleton n'ont pas encore rencontré Miloc, mais c'est pas très grave. Comme ce sont aussi des lecteurs de la bande dessinée, ils doivent savoir comment ça se termine et ils peuvent nous dire quelques mots sur Miloc. D'où vient-il, ce Miloc? Miloc lui-même, j'avoue que je n'en ai pas gardé un grand souvenir. En tout cas, comme ça. Bon, on ne dit pas le pays, bien entendu. Aux enfants de... Non, ce qu'on sait, en revanche, c'est que Miloc est sous la domination d'un personnage étonnant dont Jacobs prétendait qu'il était inspiré par Mikoyan. Alors, Mikoyan, aujourd'hui, plus personne ne sait qui c'était, mais pour ceux qui ont connu l'époque de la fin des années 50 et de la guerre froide, c'était un personnage extrêmement important de l'URSS. C'était un vice-président de l'URSS, un stalinien pur et dur. On est toujours dans un contexte et dans un climat de guerre chaude ou froide dans l'univers de Jacobs, enfin souvent en tout cas. Et puis un autre personnage tout à fait intéressant dans cet album, c'est le professeur Labrousse, qui est un professeur, comme son titre l'indique, qui est le patron de ce qu'on n'appelait pas encore Météo France, et qui est un homme tout à fait sympathique, lui. Qui est censé faire la pluie et le beau temps. Mais, enfin, et qui sait que malheureusement, il ne fait rien de tout ça, mais qu'on lui reprochera la pluie. Et surtout à cette période d'intempéries épouvantables dans laquelle baigne l'album. C'est un personnage qui reviendra plus tard, quand d'autres créateurs reprendront les personnages de Black et Mortimer. Oui, ce qui est d'ailleurs un grand classique de la bande dessinée. Hein, c'est le retour des personnages. Et évidemment, les successeurs de Jacobs utilise abondamment le corpus initial. Alors vous, Jacques Langlois, qu'est-ce que vous avez à nous apprendre d'Olric ? Parce que, bon, au début de cette première nuit spéciale, Black et Mortimer, Yves Sant, le scénariste du tout nouveau volume, paru en début de mois, donc des aventures de Black et Mortimer, nous a renseigné sur leur première rencontre. On est étonné parce qu'en effet, dans la même pièce, il y a Blake et Olric, ils ne s'entretuent pas, et pour cause, puisqu'ils ne savent pas l'un et l'autre. Enfin, si, Olric sait qui est Blake, mais Olric ne sait pas. C'est pas vrai. Voilà. Donc c'est assez amusant, comme ça, de voir les prémices de leur relation future. Mais sur cet Olric, cet ennemi implacable, mais toujours vaincu, cela dit, on pourrait inverser la formule et dire qu'il est toujours vaincu, mais qu'il est indestructible aussi. Qu'est-ce que vous nous apprenez dans le hors-série Historia le Point ? C'est le type même, c'est l'archétype même du méchant de bande dessinée. Hein, c'est-à-dire que c'est celui qui, effectivement, est toujours vaincu, après avoir failli gagner, évidemment, sans quoi il n'y aurait pas de suspense, mais qui, pour vaincu qu'il soit, reviendra la fois prochaine, comme un Rastapopoulos dans un autre univers. Alors, ce qui est amusant, je trouve, à propos d'Olric, c'est que, d'abord, on sait que Jacobs n'a jamais été chercher bien loin ses inspirations, notamment dans son environnement amical et familial. Donc, Mortimer a emprunté beaucoup des traits de Jacques Van Melkebeck, dont j'ai déjà parlé. On sait que Blake est très inspiré de son vieil ami Jacques Lodi, autre dessinateur qui participera au début du journal Tintin. Quant à Olric, c'est un peu plus compliqué, parce qu'il semble bien qu'il emprunte à un certain Henri Quitelier. Or, ce Henri Quitelier est un personnage qui a visiblement hanté tout au long de sa vie Jacobs, puisque ça a d'abord été un rival à l'école, un de ses camarades, plutôt à l'école. Qui dessinait bien. Qui dessinait bien, de surcroît. Et puis, ça a surtout été le premier époux de Jeanne Quitelier, Jeanne Quitelier, qui allait être la compagne, puis la seconde épouse de Jacobs. Donc il y a eu une rivalité tout au long de leur vie d'enfant puis d'adulte entre ces deux personnages, et il semble bien que Jacobs se soit amusé à se moquer de Quitelier en le mettant, en prêtant à beaucoup de ses traits, ou en tout cas de physique et aussi de caractère, chez Ulrich. Et même dans SOS Météor, d'ailleurs, Ulrich, qu'on ne reconnaît pas quand on est enfant, comme étant Ulrich, parce qu'évidemment, on nous met une fausse moustache, des cheveux un peu bizarres, etc., et on emploie un accent qu'on ne connaît pas, comment, à 7 ans, 10 ans, on pourrait reconnaître Ulrich, encore qu'on espère que ça, évidemment, mm-hmm. puisque si on lit cette bande dessinée, c'est pour trouver le méchant, et on le trouvera. Mais il s'appelle Monsieur Henri. Monsieur Henri, oui, bah, c'est une, la boucle est bouclée. Alors donc, Edgar P. Jacobs va épouser, en somme, la première épouse du modèle d'Ulrich. Ouais. Et complexe, tout ça. Intéressant. Oui. Monsieur Henri. Et alors, il va le ridiculiser, il va le... Comment ça se passe? Parce que ce Henri... En plusieurs occasions, Ulrich est ridicule. Oui. En plusieurs occasions. Il est méchant, mais ridicule, souvent. Voilà. Que ce soit dans la marque jaune, que ce soit dans la grande pyramide, il y a des moments où il est vraiment en fâcheuse situation. Enfin, dans la marque jaune, il est dominé, Il est dominé par Septimus, c'est l'objet. Oui, oui. C'est une sorte de robot du professeur Septimus. Il va se rebeller à la fin, mais... Au début, quand même, il est complètement dans les mains de ce étonnant Septimus. Dans la grande pyramide, il est aussi envoûté, comme on le sait, dans la chambre d'Akhenaton. Par Horus demeure. Par Horus demeure, absolument. Comme ça, on peut se moquer de quelqu'un, lui donner les traits, etc., pour ensuite lui prendre son épouse. Oui, je ne sais pas si ça s'est passé de manière aussi consciente et aussi... voulu, mais en fait, bon, la vie sentimentale de Jacobs, elle se résume à notre connaissance, en tout cas à deux femmes principales. Hein. Il y a eu d'abord Nini, Léonie, qui a été plutôt la compagne de la première partie de sa vie, de sa partie de vie artistique, qui elle-même était une petite artiste, et dont il a été très amoureux, mais qui l'a malheureusement beaucoup déçu, en le trompant abondamment, puis en le quittant. Et Jeanne a été une sorte de femme qui est venue le réconforter. Elle avait elle-même des soucis avec son premier mari. Et ils ont vécu ensemble, en se cachant d'ailleurs du monde, puisque c'est elle qui l'a convaincu, au milieu des années 50, de se réfugier dans une maison, le Bois des Pauvres, près de Bruxelles, à Lannes, tout près de Waterloo. Donc il a quitté Bruxelles, sur les instances de Jeanne, et ils sont installés là pour fuir un peu le monde, et surtout... Bon, les journalistes, qui n'étaient quand même pas non plus si nombreux à l'époque, à les assaillir. C'est amusant de penser que c'est à l'époque où il scénarise l'Atlantide. Donc c'est un peu son continent enfoui à lui, l'âne, le bois des pauvres. En fait, Jacques Langlois, je vous fais parler de la vie personnelle de Garpé Jacobs. Bon, c'est amusant de savoir qu'il s'est inspiré du premier mari de son épouse pour créer physiquement Ulrich, mais c'était un hors-série Historia, Le Point, c'est pas un hors-série Nous Deux, Non, Point. Pas du Donc, tout, ni Intimité du Foyer, non. Ni... Donc on va revenir sur l'histoire, et puisqu'on est dans SOS Météor, cette nuit, on le sera dans une semaine pour avoir la conclusion de ces histoires. Est-ce que les bons, est-ce que le monde occidental va gagner ça? Attention, on saura ça dans une semaine, contre les très méchants. Il y a un personnage qui s'appelle Urbain Le Verrier. C'est un mathématicien, astronome, aussi le premier observateur de la planète Neptune. Donc c'est un peu à la demande de Napoléon III, parce que finalement on peut perdre des batailles à cause de la météo. Donc c'est comme ça que va naître un petit peu l'observation du temps. On n'appelle pas ça la météorologie, mais enfin c'est l'observation le bulletin du temps, voilà, un astronome, et il est créateur de ça. Donc on a parlé d'autres personnages historiques qui ont pu influencer Edgar P. Jacobs. Comment vous avez travaillé, vous, Jacques Langlois? Parce que vous avez travaillé sur Tintin, vous avez travaillé sur le dernier Tintin et la mer, vous nous en direz un mot tout à l'heure. Et puis, sur ce Edgar P. Jacobs, donc, vous avez relu les huit albums. Ça, j'espère, c'est un minimum. Voilà, c'est un minimum. Et après, vous êtes réunis quelque part et vous avez dit il me faut X, Y, Z, un tel, pour parler d'égyptologie, pour parler de l'Atlantide. Alors, le travail est très simple, parce que, bon, moi, je suis, entre guillemets, le spécialiste BD... de cette aventure. Et donc, mon travail consiste d'une part à a proposé un synopsis, un scénario pour l'ensemble du volume à partir des albums et sur cette ce qu'on a fait depuis 3 ans avec Tintin d'abord, puis à Lucky Luke qu'on n'a pas cité, il y a eu un Lucky Luke aussi, et puis maintenant Blake et Mortimer, c'est-à-dire toujours ce plan très simple, les personnages importants de l'album, quelques flashs sur l'album en question pour non pas le résumer, mais se remémorer un certain nombre de faits importants liés à l'album, et puis le chapitre historique confié naturellement à un spécialiste de la question. Et là, c'est beaucoup plus le travail du rédacteur en chef d'Historia, du patron d'Historia, Pierre Baron, que le mien, de trouver quel sera l'auteur de l'article, et quel sera même le thème de l'article historique par rapport à l'album. Et une fois qu'on a fait ça, moi de mon côté, je trouve les spécialistes de la bande dessinée. Bon, il se trouve que sur Blake et Mortimer, et comme sur Lucky Luke d'ailleurs, j'ai retrouvé la même équipe, c'est-à-dire Didier Passamonique, qui est un garçon qui a d'abord été éditeur de bande dessinée, puis qui maintenant exerce toujours le métier de journaliste et est notamment l'un des responsables d'un site spécialisé très, très important et très intéressant qui s'appelle actuabd.com, évidemment. Rémi Gouavec, qui est un de ses camarades qui travaille avec lui sur un certain nombre de sujets de la bande dessinée et qui a donné un coup de main. Et puis Daniel Couvreur, qui est le grand spécialiste de la bande dessinée au soir de Bruxelles et qui a accepté aussi, tant pour Lucky Luke que pour Blake et Mortimer, de participer à cette belle aventure. Et puis moi-même, je me suis autorisé, même si je ne me considère pas comme le meilleur spécialiste de la place de Jacobs, à écrire quelques petits papiers dans ce hors-série. Et donc alors, on a cité tout à l'heure les titres qui sont dans les mémoires de tous les auditeurs de France Culture, surtout s'ils écoutent la nuit Blake et Mortimer, ça veut dire qu'ils sont intéressés a priori. Les personnages, c'est évidemment Mortimer, alors lui c'est à propos du secret de l'Espadon, Blake pour le mystère de la Grande Pyramide, Ulrich dans la marque jaune, c'est là où Ulrich qui n'est pas vraiment Ulrich le méchant, le tout puissant et en tout cas qui a sa volonté dans la marque jaune, mais en tout cas c'est celui où il est le plus marquant. Icare dans l'énigme de l'Atlantique, Milok, on en a parlé dans SOS Météor, Guy Delaroche dans le piège diabolique, Pradier, c'est ce policier qui est un peu c'est fade. C'est Jean Gabin, dans l'affaire du collier. C'est Jean Gabin dans le rôle de Maigret des années 50 qui apparaît dans plusieurs aventures. Et il se trouve que dans l'affaire du collier, bon, on aurait pu choisir ceux qui sont uniquement dans l'affaire du collier, mais ça m'ennuyait de ne parler ni de Pradier ni de Charquet dans ce volume. Et donc il fallait bien les placer quelque part. Ils étaient apparus bien auparavant, Charquet dès le mystère de la Grande Pyramide, et Pradier était là depuis SOS Météor, mais ce sont des personnages plutôt secondaires, mais importants, et c'était bien de leur faire un petit coucou. Icare, donc dans l'énigme de l'Atlantide, alors lui c'est vraiment un très gentil. C'est le gentil, c'est même un naïf, parce qu'il est plein de... Pour aller jusqu'à niais. Non, je dirais pas jusqu'à niais, mais enfin en tout cas il voit pas arriver le danger, il est plein d'espérance sur l'avenir de l'humanité. C'est pas pour rien qu'il l'a appelé Icare, parce que ça se terminera par une ascension. On espère qu'il ne se brûlera pas les ailes, lui, dans son vaisseau qui va emmener tous les habitants de l'Atlantide ailleurs. Oui, c'est un personnage qui n'est pas très intéressant, je vous l'accorde. Un peu fade. Oui. Un peu fade. Bon, il se trouve que dans l'Atlantide, il n'y a pas de personnage très très important, en dehors des héros principaux. Et donc, il fallait bien aussi... faire un sort à ceux qui ne font qu'une apparition. De la même façon, on pourrait dire que Guy et Agnès Delaroche ne sont pas des personnages emblématiques. Même alors ça, c'est dans le piège diabolique. Oui, dans le piège diabolique. Non, mais ça permet de parler de l'Atlantide. Alors là, est-ce qu'on est dans l'histoire ou dans la légende? Voilà, ce qui est important, c'est que Icare va être le personnage de cette aventure de l'Atlantide qui est évidemment entièrement inspirée par la République de Platon. Et d'ailleurs, le Basileus a assez les traits du tel qu'on les prête dans la statuaire à Platon. De la même façon, sur l'aventure piège diabolique, j'aimais bien l'idée qu'on parle de la guerre de 100 ans, et donc on a choisi de faire un focus sur les personnages les plus médiévaux de l'aventure. Oui, donc on nous raconte ensuite la guerre de 100 ans, les Anglais, etc. Vous savez un petit peu qui vous lit? Est-ce que c'est des passionnés de bande dessinée ou c'est des passionnés d'histoire? Sans doute les deux, comme toujours. C'est-à-dire que je pense que, d'abord, il y a le lectorat Historia, qui est un lectorat fidèle et qui s'intéresse, comme on peut le supposer, à l'histoire. Et puis, le fait qu'il s'agisse de héros de la bande dessinée fait qu'il y a un public qui s'intéresse beaucoup à tout ce qui sort sur un certain nombre de héros emblématiques. Mais on est volontairement très grand public, c'est-à-dire que il s'agit pas de faire appel à des tintinologues ou à des jacobsiens acharnés et de faire des débats à n'en plus finir sur... Ils vous ont écrit et critiqué peut-être? Non? Non, quand même pas. Non, pas en tout cas, j'ai pas eu de réaction à ce jour. J'ai reçu un petit mot de félicitation du numéro 2 de la Fondation Jacobs, mais pas du numéro 1 qui a refusé de travailler avec nous. Qui est-ce? Vous avez les noms? J'ai les noms. Oh, le numéro 3 n'a rien dit? Le numéro 3 est silencieux. Aïe, aïe, aïe. Mais y a-t-il un numéro 3? C'est le numéro 7 qui compte, on sait bien, toujours. Alors, Jacques Langlois, donc, 8 albums, 8 personnages mis en scène, en tout cas dans ce hors-série. Miloc en train de rire, Guy de la Roche en train de réfléchir, mais avec un œil mauvais quand oui, il est sur son trône, là. Il est Pradier, pas... il a un pistolet ou un revolver, je sais pas, j'ai jamais trop su la différence, mais à la main, et il indique sans doute un trou, ou peut-être une menace. Oui, il faudrait se l'album, parce que voilà, c'est une image d'étoile. Je crois effectivement qu'on est au-dessus d'une bouche d'égout à ce moment-là. Voilà, oui, bah oui, il y a beaucoup de... C'est très souterrain, hein, l'œuvre d'Edgar P. Jacobs. Ah oui, ça, Jacobs est un spécialiste de la spéléologie, ça c'est sûr. Et les univers souterrains font partie complètement de son schéma mental, ça c'est sûr. Je sais pas à quoi ça tient d'ailleurs. Mais c'est fascinant quand c'est aux Açores, quand c'est dans l'énigme de l'Atlantique. Mais ça peut être les égouts de Paris. Et voilà, c'est aussi c'est classique, c'est sous nos pas et sous nos pieds, ça existe. Mais ce sont des mondes inconnus pour beaucoup d'entre nous. Oui. Ah oui, mais pas si inconnus que ça, puisqu'on a tous lu... Les Misérables. Les Misérables, et puis on a tous lu... 80 pages dans Les Misérables. Jacobs, quand même. Oui. Alors, vous disiez que vous faites appel au spécialiste Jacques Langlois. Est-ce qu'il y a des historiens qui vous ont refusé en disant non, ça c'est quand même pas intéressant, je vais pas me commettre avec... Pas à ma connaissance, je dirais c'est plutôt l'excès inverse, le risque inverse qui se révèle. C'est-à-dire que lorsqu'on a fait le premier Tintin, je me souviens que j'avais dit attention, il faut bien qu'il y ait une séparation entre le papier sur Tintin et puis le papier historique. Et je veux pas que mes historiens, vos historiens, disais-je au patron de la rédaction d'Historia, à Pierre Baron, mon ami Pierre Baron, attention, il ne faut pas que les historiens se mêlent d'ergéologie et de tintinologie et viennent sur nos terres briser un peu nos effets. Et bien souvent, il y a eu des papiers, effectivement, où l'historien voulait montrer qu'il connaissait bien l'œuvre d'Hergé aussi. Et donc, plutôt que de traiter strictement le sujet qu'on lui avait demandé, faisait toutes les références possibles, imaginables, à l'album dont on avait traité par ailleurs. Mais donc, l'iconographie, elle, envahit les textes historiques, oui, et inversement. Oui, oui, très volontairement, d'ailleurs, évidemment. L'iconographie, ça fait partie évidemment de ce qui est le plus important pour nous, parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est dans un objectif de grand public, et le grand public, certes, il sait lire, mais il aime les images, et surtout, il aime les images de bande dessinée. Et donc, un de mes regrets dans cette série, depuis qu'on l'a commencé, c'est que justement, on reste un petit peu trop, à mon goût, sur les images très classiques, les plus connues, et on n'a pas réussi encore à sortir non pas des inédits, mais des images un peu plus rares, que ce soit d'Hergé ou de Jacobs. Oui, mais ça, faut négocier pendant des années, là, vous avez trop d'espoir. Sur négociation, ça dépend avec qui. Non, je dirais, avec Moulinsart, par exemple, il n'y a pas de problème là-dessus. Simplement, c'est vrai que c'est pas non plus l'objectif de sortir des dessins particulièrement chiadés. Il faut aussi que... On est chiadé chez Historia. Oui, on est chiadé. Oui. Je suis pas chez Historia, mais je suis un indépendant. Alors, dans Tintin et les forces obscures, il est question de rêves, de voyance, d'hypnose, radiesthésie, télépathie, extraterrestre, superstition. Ça, on pourrait retrouver, peut-être pas les rêves, mais chez Black Mortimer aussi. Non, effectivement, il n'y en a pas beaucoup. Non. Mais les autres thèmes sont, à la limite, même beaucoup plus fréquent chez Jacobs que chez Hergé. Ça m'avait amusé pourtant de, ne serait-ce que parce qu'il y a une floraison de publications sur, vous savez, il y a à peu près 400 livres qui sont sortis sur Hergé depuis sa mort. Hergé et Tintin, évidemment. Et parmi eux, un certain nombre de livres par des spécialistes de l'ésotérisme. Ça me laisse toujours un peu perplexe, mais en même temps, c'est pas négligeable de voir qu'il y a des gens qui pensent que dans l'œuvre d'Hergé, tout est expliqué par, la franc-maçonnerie ou par je sais quel autre phénomène ésotérique. Sans aller jusque-là, c'est vraiment pas le propos, je m'étais amusé effectivement de recenser et de traiter un certain nombre de ces thèmes chers à ces farfelus. Alors ça, c'est donc, on a bien compris, les personnages de Blake et Mortimer dans l'histoire, les événements qui ont inspiré l'œuvre d'Edgar P. Jacobs, Jacques Langlois, mais vous êtes venu aussi avec ce Tintin et la mer, cet album qui est paru il y a quelques semaines. Alors là, c'est pas par album, c'est... c'est aussi par album, mais c'est par bateau. C'est enfin, plus voilà, par alors... thème, comme les Forces Obscures, c'était plus un thème, et ensuite on l'illustrait alors, avec... On est très content de toute manière, parce qu'on ouvre et on voit notre Tintin et notre... Haddock, bien entendu, qui s'il est question de mer, on peut pas se passer d'Haddock. Chasseur de trésors, paquebot, yacht, cargo, TSF, alcool, superstition, naufrage, Saint-Nazaire, hydravion, sous les mers, champ de marin. On pourrait parler aussi d'esclaves, parce qu'il y a dans Coq en stock, la mer est très très très importante. Et évidemment, c'est un thème que Hergé dénonçait à une époque où, on avait un peu oublié qu'il y avait que l'esclavage existait encore, à la fin des années 50. Et je crains que s'il revenait aujourd'hui, il pourrait refaire un album sur le même sujet, vraisemblablement. Alors ça, c'est un album un petit peu différent de la série, puisqu'il n'est pas avec Le Point d'ailleurs, mais en partenariat avec Ouest France, ce qui ne se voit pas sur l'exemplaire diffusé hors de la zone d'achalandise de Ouest France, mais il est très présent en Bretagne et bien au-delà, puisque Ouest France, comme chacun sait, couvre bien plus que la Bretagne administrative. Et c'était un projet qui tenait beaucoup à cœur des gens d'Ouest France, que nous avons mené... avec plaisir, où l'on parle effectivement d'un certain nombre de grands sujets maritimes et que l'on illustre assez abondamment par toutes ces images extraites des 14 aventures qui parlent de la mer dans Tintin, dans les 23. Mais là aussi, l'histoire est très importante parce que Hergé, il est de son époque et il lit la presse, il sait ce qui se passe sur mer, sur les naufrages, en effet, les attaques de cargo, la superstition des marins, les chasseurs de trésors. Bien sûr. Et puis en plus, Tintin étant né en 1929, comme vous le savez, le principal moyen à l'époque pour un reporter international comme l'est Tintin, c'est pour se rendre d'un point à un autre, c'est de prendre le bateau. Tintin prend l'avion plus tard, mais dans les 10 premières années, il prend le bateau pour aller en Amérique, pour aller au Congo, pas pour aller au pays des Soviets, là il prend le train évidemment, c'est plus pratique. Il prend aussi l'hydravion d'ailleurs. Il prend l'hydravion, absolument, il va revenir par exemple de Douma, port très bien connu de la mer Noire, un des ports sildaves les plus connus, il va prendre l'hydravion qui le ramène à Marseille, car on parle souvent de Saint-Nazaire et de La Rochelle quand on parle des ports français que cités dans Tintin, mais on oublie souvent que l'hydravion qui ramène Tintin du sceptre de Tokar, avec les Dupont, là, quand les Dupont tombent à l'eau, eh bien, c'est à Marseille, c'est-à-dire, en fait, c'est les temps de Béer. Et c'était une liaison qui existait entre l'Est et Marseille. Et puisque c'est un hors-série Historia, Jacques Langlois, c'est évident que les personnages contemporains créés par Hergé, mais qui vivent au XXe siècle, sont importants. Ils vivent leurs aventures XXe siècle, mais il y a un album qui se passe bien plus tôt et qui met en scène aussi un ancêtre, l'ancêtre. Le chevalier. Alors là, c'est. Là, on est au temps de Louis XIV. Vous auriez pu le mettre en couverture avec Tintin. On aurait pu le mettre en couverture, mais il y avait deux raisons pour lesquelles on ne l'a pas fait. La première, c'est que nos amis de l'Express ont fait hors série au printemps dernier sur le rire de Tintin. Un peu de pub pour eux, tant pis, c'est pas grave. Ou justement, l'image de couverture est sortie du secret de la licorne. Donc on n'avait pas recommencé. Et puis la deuxième raison, c'est qu'on ne voulait pas donner là une image trop historique. On voulait être plutôt sur les thèmes maritimes, thèmes marins, sans insister trop sur l'histoire. Mais quand même, on peut insister sur le côté aventurier, découverte, puisque c'est Tintin avec son petit Milou sur une épaule qui sort d'un hublot et là l'aventure commence. Ah, l'aventure commence doublement, puisque les spécialistes savent que cette image, c'est l'intrusion de Tintin dans la cabine du capitaine Haddock, à bord du Carabou de Jean, dans le crabe d'or. Et donc, c'est la rencontre non pas de Tintin avec la mer, mais de Tintin avec le marin emblématique. Alors, il était évident, Jacques Langlois, qu'on allait parler de Tintin dans cette nuit Edgar P. Jacobs, ou cette nuit Black et Mortimer. C'est bien naturel. Donc, il y a les Tintins dans l'histoire, c'est deux volumes. Historia Le Point, ça, c'est sorti dans une seule édition, enfin, rassembler les deux volumes. Ce sont les deux volumes parus respectivement en 2011-2012 qui, en cet automne 2014, ont été rassemblés en un volume unique sous coffret. Et on a profité pour corriger quelques petites scories, quelques petites erreurs qui avaient échappé à notre vigilance, car malheureusement, il y a toujours des erreurs. Et puis le tout récent Tintin et la mer. Et puis, bien entendu, on rappelle Toujours disponible, Black et Mortimer, sorti en juillet dernier, toutes les bonnes librairies et toutes les bonnes librairies de gare. Et puis donc, les personnages de Black et Mortimer dans l'histoire, ça c'est... il faut le relire en même temps qu'on relit tous les albums. En tout cas, si ça peut inciter à relire tous les albums, y compris les albums de Jacobs, c'est très bien. C'est bien qu'on passe notre temps à relire les mêmes bandes dessinées, Jacques Langlois. C'est vrai. Et bien donc là, on écoute la suite du feuilleton SOS Météore.